Petit Rastaman, j'aimerais te ressembler, avoir tes racines et les mêmes origines, descendre de ce mouvement mystique qu'est le Rastafarisme, propre aux gens qui vivent sur l'île de la Jamaïque, man. Merci beaucoup! Merci! Ok, on va essayer de s'énerver un petit peu et de remettre la sauce dans la salle! Non? Ah ouais? Eh ben non!